Aimez-vous Chopin? Frédéric Chopin? Oui, bien sûr, vous l'aimez. Mais connaissez-vous bien sa vie? Il était une fois un petit garçon bien sage. Par une nuit d'hiver, très froide, comme toutes les nuits d'hiver en Pologne, cet enfant qui avait alors 6 ans sortit de son lit et se glissa jusqu'au salon. Le vent hurlait dans les rues désertes. Soudain, du piano s'éleva une mélodie qui emplit bientôt la maison tout entière. La servante affolée se mit à crier « Madame, un fantôme, il y a un fantôme dans le salon !» Le fantôme, c'était le petit Frédéric Chopin. Il était juché sur le tabouret du piano, pieds nus, en chemise, et il jouait, sans une faute, une mélodie que sa maman avait exécutée l'après-midi même, tandis qu'il écoutait, caché sous le piano, émerveillé par les sons qui s'échappaient de cette grande boîte mystérieuse. Quelques jours après, vint à la maison un vieil homme nommé Adalbert Zivny. Il portait une longue redingote verte, un gilet jaune et de grandes bottes. Un vaste mouchoir à carreaux sortait de sa poche. C'était un modeste pianiste à Varsovie et on décida qu'il apprendrait la musique au petit Frédéric. Un jour, l'enfant confia à son maître un grand secret. Il entendait chanter dans sa tête, mais il ne savait pas écrire les sons sur du papier. Tout au plus pouvait-il les retrouver sur le clavier. Alors, le vieil homme sortit de sa poche son gros crayon carré et transcrivit sur du papier à musique ce que l'enfant jouait. Une des premières œuvres de Chopin était née, cette polonaise. Déjà célèbre à 8 ans, Chopin restait sage et travailleur. Quand il se mettait à la fenêtre pour regarder défiler les troupes du vice-roi du tsar, il pouvait reconnaître une marche qu'il avait composée. N'était-ce pas extraordinaire? De farouches soldats avançaient sur des mélodies nées de son imagination. Le jeu du petit garçon avait d'ailleurs un étrange pouvoir. Lui seul était capable de calmer les terribles colères du grand-duc Constantin qui terrorisait tout Varsovie. Quand l'une de ces colères éclatait, un cabriolet tiré par 4 chevaux, montés chacun par un cosaque, venait au galop chercher le jeune Chopin et l'emmenait au palais. Le petit garçon s'asseyait devant le piano et les sonorités magiques qu'il en tirait ne tardaient pas à apaiser la fureur du tyran. Et puis, un beau jour, cet enfant des villes, ce petit garçon qui avait déjà conquis la faveur des princes et l'admiration de tous, découvrit la campagne de son pays. À la fin des moissons, maîtres et serviteurs buvaient et chantaient en chœur, retrouvant les airs traditionnels des plaines de Mazovie, ces airs qu'on appelle des mazurkas. Thank you. Mais à cette époque, la Pologne était opprimée et malheureuse. Au temps des moissons, on pouvait bien chanter et danser des mazurkas. Cela ne suffisait pas à conjurer le mauvais sort. Et ce champ de blé, souvent, se transformait en champ de bataille. Des coups de feu éclataient la nuit dans Varsovie. Des conspirateurs rêvaient de liberté. Chez le père du petit Chopin, des patriotes se réunissaient. L'enfant écoutait passionnément leurs récits qui, dans sa tête, se transformaient en harmonies guerrières. Une nuit, toutes ces harmonies de nouveau se pressèrent en foule dans l'imagination du jeune Chopin, comme autant de fantômes évoqués par une tragique nouvelle. On tirait, on massacrait à Varsovie, et le froid et les épidémies achevaient ceux qui avaient été épargnés. C'est alors qu'il composa une étude qui fut surnommée « La Révolutionnaire ». Chopin avait 21 ans. Il avait quitté son pays depuis quelques mois pour donner des concerts à l'étranger. Dans la solitude de sa chambre, il contemplait une coupe d'argent. Dans cette coupe, une poignée de sa terre polonaise. Il voulut regagner son pays, revoir ses sœurs, ses parents, ses amis, se battre comme les autres pour sa terre natale. Mais les siens lui firent comprendre qu'il serait bien plus utile à la Pologne en jouant du piano qu'en portant un fusil. Alors Frédéric prit la route de Paris. Il savait qu'à Paris on aimait les Polonais. Les plus grands artistes y vivaient ou y séjournaient pour quelque temps. On pouvait les entendre, les admirer, les rencontrer même. Jenny Lind, la Pasta, la Malibran faisaient entendre leurs voix admirables. Liszt, Paganini, Thalberg jouaient. Berlioz composait des ouvrages de génie. Lamartine, Hugo, Vigny, Musset, Georges Sand écrivaient des pièces de théâtre, des vers, des romans. Delacroix peignait de merveilleux tableaux. Très vite, Chopin devint l'ami de toutes les célébrités parisiennes et le familier de toutes les maisons aristocratiques. Liszt, un autre grand pianiste, est parmi ses plus grands admirateurs. Lui-même interprète les œuvres de Chopin avec une flamme étonnante. Il exécute surtout les études, dont la difficulté est aussi grande que la beauté. telle celle-ci, par exemple, qui se joue uniquement sur les touches noires. Les élèves de Chopin venaient du monde entier. Chacun de ses concerts était un grand événement, attendu avec impatience, mais il jouait peu en public. Il préférait voir ses amis réunis dans un salon, autour d'un piano. Et tous les soirs, heureux de les sentir autour de lui, il jouait. C'était parfois des nocturnes. Tard dans la soirée, Chopin jouait aussi des valses, fières ou brillantes. Thank you. Robert Schumann, le grand compositeur allemand, aimait beaucoup les valses de Chopin. Il les trouvait si fines, si nobles, qu'en les écoutant, il lui semblait les voir danser par de ravissantes jeunes femmes dans de merveilleux salons sous la lumière d'innombrables bougies. Ces valses, parfois, étaient mélancoliques. Fêté, adulé, Chopin ressentait pourtant un chagrin secret. Il pensait à son pays infortuné, à ses parents si loin de lui. Alors il regardait la coupe d'argent, touchait la poignée de terre qu'elle contenait, se souvenait des soirées déjà lointaines où à Varsovie il avait enthousiasmé le public en jouant son concerto en mi mineur. C'est à cette époque que Chopin conçut une amitié profonde pour George Sand, une des femmes les plus admirées de son temps. George Sand était un grand écrivain. Grâce à elle, il éprouva moins cruellement le malheur d'être séparé de sa famille et de sa patrie. George Sand possédait un petit château à Nohant. Dans la chambre de Chopin, il y avait un beau piano, tout neuf. Chopin travaillait avec acharnement. Il n'était jamais satisfait. Il corrigeait ses partitions quelquefois pendant plusieurs années. Quand enfin il croyait avoir bien écrit un morceau, il appelait George Sand et il le lui faisait écouter. Parfois, il lui jouait aussi des œuvres plus anciennes, comme par exemple la ballade en sol mineur. Par moments, il arrivait à Chopin d'être gai. Se retournant vers une glace à la dérobée, il arrangeait ses cheveux, sa cravate, et se montrait subitement transformé en anglais, en vieillard, en je ne sais quels autres personnages, les uns plus drôles que les autres. Sa musique même semble s'amuser de temps en temps, avec une insouciance ravissante. Voyez par exemple cette valse qui tourne en rond avant de s'élancer comme un petit chien qui chercherait en vain à s'enrouler autour de lui-même. Mais comme dans tous les contes, il y avait une méchante sorcière qui voulait du mal à Chopin. Les bonnes fées avaient comblé l'enfant, elles lui avaient donné beauté, génie, courage, gloire. La sorcière se jura qu'elle aurait le dernier mot et elle lui envoya une maladie alors mortelle, la phtisie. Pour essayer de le guérir, George Sand l'emmena dans une île que l'on disait inondée de soleil. Cette île qui s'appelle Majorque est près des côtes d'Espagne, dans la Méditerranée. La maison qu'ils habitaient était nommée la Maison du Vent. Chopin alla mieux. Mais bientôt des pluies diluviennes se mirent à tomber, la maison devint inhabitable, Chopin recommença à tousser. Le propriétaire de la maison chassa ses locataires qui se réfugièrent dans un cloître et couchèrent dans des cellules nues, et mal meublée. Mais ni les tempêtes, ni le froid, ni la souffrance n'empêchent Chopin de composer. Ainsi naissent des œuvres nombreuses et belles, comme par exemple le troisième scherzo. Un jour, ils étaient encore à Majorque, George Sand et ses enfants allèrent à la ville faire des courses. La pluie tombait très fort. Les torrents débordaient, coupant les routes. Chopin était seul dans le monastère. Il s'assoupit devant le piano et rêva qu'il s'était noyé dans un lac et que des gouttes d'eau pesantes et glacées tombaient sur sa poitrine. Soudain, il se réveilla et aussitôt se mit à jouer. Mais quand on dit à Chopin que ce prélude reproduisait le bruit des gouttes d'eau tombant sur le toit, il se fâcha. Il ne voulait pas que sa musique imitât quelque bruit que ce soit. Il voulait que sa musique fût de la musique, rien de plus, rien de moins. Quand il quitta Majorque, il était encore plus malade qu'à son arrivée. La sorcière avait-elle gagné? Pas si vite. Chopin vivra encore une dizaine d'années. Il aura le temps d'écrire des compositions que le monde entier considère comme des chefs-d'œuvre. Mais la sorcière eut pourtant le dernier mot. Chopin avait 39 ans. Pendant toute sa vie, il était resté fidèle à ce qu'il avait le plus aimé au monde, la musique et sa patrie. Écoutez cette belle polonaise. la poignée de terre de son pays, précieusement conservée dans la coupe d'argent, fut mêlée à la terre qui recouvrit son cercueil au cimetière du Père-Lachaise. Mais son cœur, comme Chopin l'avait demandé, repose aujourd'hui à Varsovie, en l'église Sainte-Croix, dans sa Pologne natale. Mais non, non, ne soyez pas triste. Un homme comme Chopin n'est jamais tout à fait mort, puisqu'il nous reste sa musique. Chopin n'est pas mort, puisque sur tous les pianos chantent ses nocturnes, ses scherzos, ses mazurkas, ses valses, et que vous rêvez, vous aussi, du jour où vous pourrez à votre tour interpréter ces polonaises.